sachant que tu as un point d'armure, tu perds donc un point de vie. À ce moment-là, vous vous retrouvez au milieu de cette petite clairière, au milieu d'un homme avec une chaussure coupée en deux. Et assez rapidement, il réalise que c'est à peu près perdu pour lui. À ce moment-là, vous le voyez qui commence à s'écrier. Pardonnez-moi, je suis... Épargnez-moi, s'il vous plaît, messire. Un peu de bon cœur pour un mourant. Je décoche une flèche et je lui tire dessus. À ce moment-là, tu le vois tomber au sol et s'écraser. Et finir noyé dans son propre sang. Vous vous réunissez du coup quelques secondes plus tard et en effet, de ton côté, Edward, tu trouves ça assez étrange quand même. C'est assez rare de tomber sur des bandits ou autres dans cette forêt, même si visiblement ce sont plus des désespérés qui... Qui sait, peut-être vous voulez vous détrousser, voire pire. Mais ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Tu as déjà entendu parler de ce genre d'attaque préalablement. Et vous vous êtes en effet assez éloigné et peut-être que le bruit de ta hache contre les troncs d'arbres aurait pu les atteindre. Pas fou. Du coup, il se fait combien, enfin, au niveau le temps qui s'est écoulé. En réalité, là, le combat, même si en jeu ça a été assez long, a été plutôt rapide. Ça s'est passé en quelques minutes seulement. Tout a été, tout est sens, enfilé très rapidement. D'accord. Du coup, je vais essayer d'estimer un peu le temps qu'on peut encore passer dans le bois avant de. Avant de rentrer, ouais, pour pas qu'on soit pris au piège. Environ 3 heures, puisque tu sais que même si le soleil sera sans doute couché au bout de 2 heures et demie, tu peux aisément finir la dernière demi-heure à peu près dans la forêt, vu que vous arrivez vers la sortie, c'est tout de suite beaucoup plus dégagé, et puis voilà, les premières lumières de la ville apparaîtront. Donc il nous reste 3 heures dans le bois, donc en gros, on peut avancer encore une heure et après commencer à rebrousser chemin pour retourner au village avant qu'il fasse nuit. Parce que là, t'es plus perdu entre guillemets. Ah mais je suis pas perdu dans le sens je sais retourner. Ça, compris, mais voilà. Est-ce que du coup tu sais t'y retrouver pour pas pour rentrer mais tu me pars tenter un jet. Ah, pour savoir où je serais, où on serait là. Si tu veux faire le point, en effet, depuis, tu peux refaire un petit jet de savoir. Si tu veux. Ouais, bah, le fait qu'il y ait la clairière, peut-être, ça peut me donner un. Oui, peut-être, un bon point de repère. Bah, effectivement, oui, j'ai réussi. En effet, tout de suite, tu penses savoir à peu près où est-ce que vous vous trouvez. Vous avez en effet bien avancé. Le bois s'étend encore assez longuement, mais malgré tout, c'est pas non plus une énorme forêt. Donc vous avez déjà couvert une bonne distance. Et d'ailleurs, je vais vous demander chacun de me faire un petit jet de perception. Et sinon, en attendant, puisse-t-on avoir des explications vis-à-vis de ce qui vient de se passer ? Ben, en fait, les gens qui étaient ici étaient des bannis. Des gens qui avaient contracté... la maladie et qui ne pouvait plus rester dans le village. Je suis maintenant qu'ils vous disent ça. Et ils ont dû se gâcher. Les cadavres, vous apercevez certains d'entre eux, donc il y avait visiblement en effet un lépreux, mais d'autres rongés avec des espèces de veines extrêmement noires qui parcourent leur corps. Et vous savez que ça serait pas une très très bonne chose que de rester longuement en contact avec eux. Malgré tout, certains d'entre vous, en tout cas vous avez fait en moyenne, j'ai pas trop trop mauvais. Entendez quelques sons étranges loin. Vous entendez comme des cris, voire des pleurs, ou en tout cas des gémissements, qui semblent se rapprocher de vous. Et quelques instants plus tard, entre deux arbres, vous apercevez une silhouette légèrement bleutée, voire un peu violette. Presque transparente qui semble se diriger dans votre direction. Et quelques secondes plus tard, les autres voyant vos amis diriger leur regard et interrompre toute discussion. Vous voyez également la même silhouette. Et vous voyez cet homme, complètement nu, mais complètement irréel également, se diriger vers vous et complètement vous ignorer, se mettre à quatre pattes et commencer à tâtonner les cadavres qui se trouvent juste à côté. Et vous l'entendez grommeler des choses, marmonner quelques phrases. Du sang. Donnez-moi à manger. Qu'est-ce que vous faites? C'est spectral un peu. Comme clairement spectral. Et vous mettez quelques secondes à réaliser ce qui se passe. Et je vais du coup vous demander de me faire un jet de mental. Moi, clairement, je prends ma croix en main. Et je... Okay. Je suis pas bien. Je suis tout blanc. Ouais. Ouais. De ton côté, Gunther... Tu vois cet homme, tu vois cet esprit et en effet ça te fait pas grand chose. Tu te dis même que tu pourrais aller discuter avec lui sans trop de problèmes. De ton côté, Jeanne, tu hallucines complètement en voyant ça, mais finalement ça fait partie de ce genre de choses dont on t'avait parlé et depuis la venue des démons il y a environ 20 ans, même si tu n'étais à peine né à l'époque, on t'avait déjà vanté l'existence de ce genre de créature. Vous le voyez là couché sur les cadavres et au bout de quelques secondes passer un autre. Et il semble les tâter même si son corps ne semble pas pouvoir vraiment rentrer en collision avec eux. Tout en grommelant ces petites phrases. Qu'est-ce que vous avez pour moi, Ara? Moi clairement je recule. Hein. Je suis tout blanc et je recule avec ma croix comme ça. Ok, tu tiens ta croix. En effet, toi, ça fait partie justement de ces choses qui t'effraient absolument. C'est le genre de choses que tu aimerais voir disparaître à jamais et dont l'apparition, en tout cas la fréquence, voire la prolifération, t'effraient au plus haut point. Personnellement, moi, je dirais. Moi, je disais juste que je disais rien et que je ne bouge pas en fait. J'aurais juste, pour éviter que les gens s'avancent, j'étends les bras, mais sinon. Moi, je fais signe aux autres de rester un peu en retrait. Oh, t'as pas besoin de me le dire. Et je vais juste essayer de m'avancer genre de un ou deux pas vers cette chose. Je baisse mon bras pour qu'il puisse passer. Parce que je tu t'avances de quelques pas vers lui et tu le vois qui, à un moment, commence à réaliser ta présence et commence à se redresser devant lui, sur lui-même. Je tiens à la main... Là, mais s'il avait... Oui, vas-y. Je bug. Mais non, on t'entendait. C'est un spectre. Ça y est, Gunther est un spectre. Vas-y, dis-nous tout. Je disais que j'avais à la main une de mes fioles. Oui, Dominique. Bien sûr. Dominique, cela va de soi. À ce moment-là, tu le vois qui se redresse sur ses petites jambes. Mais de rien, il n'est pas si impressionnant que ça. Et qui commence à clamer au effort. Oh, qui va là? Je suis la réincarnation du sorcier de Varnakar. Je vous maudis, aventurier, quittez ces lieux sur le champ. Mais tu vois que toi, ça te fait absolument pas peur, pas le moins du monde même. En effet, t'as fait le maximum sur ton jet de mental. Tu trouves ça même presque un peu pitoyable, trop théâtral pour être vrai. Dites-moi, comment vous faites pour ressembler à ça? Vous n'avez pas peur? Allez-y, partez! Fuyez! Je m'avance d'un pas, si ça, je vois que ça dérange pas Gunther. Juste pour soutenir le propos. Et étonnamment, tu remarques que le fantôme a l'air presque plus apeuré que toi. Moi, je recule d'un pas. Allez-y, faites comme votre ami. Partez ou je vous maudirai et j'irai hanter vos cauchemars les plus terribles. Bon, vous avez 3 secondes pour lever les bras en l'air avant que mon ami ici vous aplatisse. Fais-moi un petit jet de charisme avec un bonus de 2. Charisme. Ça te fait 7 plus ton débit. Donc ça passe largement. Ouais. À ce moment-là, tu le vois qui lève les bras et qui fait non, non, ne me faites rien, je rigolais. Moi. Écoutez, excusez-moi, je voulais juste vous faire peur. Mon vrai nom est Roland de l'Enfort. Et à vrai dire, je sais pas vraiment ce que je fais là. Je vous fais pas de mal, je voulais juste vous effrayer, c'est tout. Moi je suis surpris. Je n'arrive pas à en croire mes yeux de ce qui se passe. Je baisse un peu. Tu baisses un petit peu ta croix, ce qui fait moins peur tout à coup. Pourquoi vous essayez de nous effrayer et pourquoi vous. Eh bien, c'est ce que les fantômes sont censés faire, non? Ouais, mais vous êtes pas un fantôme. Eh bien, j'en ai tout l'air. Regardez-moi. Je ne dors pas, je ne mange pas, et les seules choses avec lesquelles j'arrive à entrer en collision, ce sont les âmes des défunts qui s'envolent immédiatement en direction des cieux avant de disparaître au loin. D'ailleurs, je vous remercie, celles de ces hommes que vous venez d'abattre m'ont attiré droit jusqu'à vous. Cela faisait bien longtemps que je ne m'étais pas nourri de la sorte. Donc vous mangez des âmes? Non, une partie seulement. Considérez cela comme une taxation. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, voyez-vous, c'est une histoire relativement étrange. Eh bien, à la base, je suis mort... lors d'une bataille nous ayant opposé aux démons. Ces derniers voulaient visiblement s'en prendre à la ville d'Acton, il y a de cela une vingtaine d'années. Le truc, c'est que nous avions décidé de les attaquer dans leur camp de nuit, et nous avons décidé pour cela de passer par la montagne. Sauf que, voyez-vous, je me suis pris les pieds dans un rocher et j'ai dévalé une pente de plusieurs dizaines de mètres. Alors là, tout s'est arrêté. Et me voilà désormais, des années plus tard, revenu à la vie, comme par magie. Vous êtes, vous êtes pas en train d'essayer de nous barrasser? Je vous assure que c'est la vérité. D'ailleurs, fais-moi un petit jet de psychologie pour voir si tu mens. Ok. Moi, je le crois. Il m'a l'air sincère. Après mûrs instants de réflexion à le regarder droit dans les yeux, tu remarques d'ailleurs qu'il semble gêné. Tu te dis que malgré tout, si étonnamment que cela puisse paraître, il a l'air sincère. Le terrifiant spectre du bois au loup est visiblement un homme mort d'une chute avant une bataille il y a cela plus de 20 ans et qui s'est réveillé comme par magie au beau milieu des bois quelques années après. Et nous, les gens originaires du village, on l'a pas déjà vu, il a pas une tête. Non, aucun d'entre vous deux ne Il y avait un temps. Puisque le chasseur est arrivé en ville bien après, toi à l'époque tu n'avais que quelques années. Je sais plus quel âge égal de mon âge. C'est ton âge. Ah, pas directement, ouais. Mais est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce qu'on peut faire un G, nous aussi? Ouais, faites-moi un petit jet de savoir. Vous êtes réveillé il y a combien de temps exactement? Je dirais, je ne sais pas, voyez-vous, j'ai du mal à. Prendre le compte des jours, mais c'était il y a plusieurs dizaines de nuits. C'est marrant, c'est récent. Que... Oui, je me rappelle que je me trouvais au niveau du paradis juste alors et que l'instant d'après, je me suis réveillé au milieu d'un tas d'ossements qui semblaient être miens. Malheureusement, seule mon âme semble avoir pu récupérer une quelconque enveloppe. Qui est celle que je possède actuellement, dit-il en regardant ses doigts un peu chemin transparent. Et malheureusement, ce qui semblait être ma femme, ou en tout cas la mère de ma femme, vu l'âge qu'elle avait, a été ensuite capturé par des villageois qui l'avaient suivi. Ah. Je me suis enfui à travers le mur. Et du coup, vous êtes réveillé au niveau... Très excellente question. J'étais dans une petite cabane en plein milieu du bois. Mm-hmm. Mais je ne saurais pas vous dire où elle se trouvait, hein. Je n'ai pas de carte avec moi. Même si je l'oublie, je ne pourrais rien noter dessus. Ce bois-ci ou le bois opposé? Non, je crois que c'était l'autre. Voyez-vous, je préfère rester caché à l'intérieur de ces derniers, mais il me semble bien que j'ai repris connaissance dans ce bois-là. Enfin, pas celui-là. Comment s'appelait votre femme? Eh bien, elle s'appelait Madame de Lanfort. Madame? Eh bien oui, nous étions mariés. Et est-ce qu'on se rappelle du nom de la femme qui a été brûlée? En effet, tout le monde l'appelait la sorcière. Donc fais-moi un petit jet de savoir et on va voir si tu l'es. Moi aussi je le fais. Hein. Oui, allez-y. Non, vous ne saviez pas son nom. Tout le monde l'appelait la sorcière. Enfin, en tout cas, ça m'intrigue quand même. Parce que s'il y a quelques... Même si je suis pas sûr, ça m'a fait tic, quoi. Voyez-vous, j'ai cru comprendre que... désormais, elle était plus de ce monde. Alors, quelle ironie de savoir que c'est en me ramenant qu'elle s'est finalement de nouveau séparée de moi. En espérant qu'elle... arrive à rentrer au paradis. C'est votre femme qui vous a fait revenir? Pardon. On peut pas dire qu'on a gagné au change. Mais... oh, c'est méchant. Écoutez, on a un problème parce qu'on est censé se débarrasser de vous. Si vous pouviez faire ça, écoutez, je vous avoue que je vous en serais éternellement reconnaissant. Pouvoir retrouver ma femme à nouveau aux portes des du paradis... dans l'au-delà, ce serait la plus belle chose qu'il pourrait m'arriver. Et si vous aviez également un sortilège pour lui redonner 20 ans de moins, je vous en serais également reconnaissant au possible. Mais je sais pas si vous avez ça sous la main. Oui. Question au MJ. L'enquête qu'on fait par rapport au fantôme, c'est parce qu'il y a eu des disparitions bizarres autour de ça ou pas du tout? Quelque chose qui est visiblement vraiment surnaturel qui pose problème. D'accord. Le fait aussi qu'il y ait a priori eu une sorcière en ville et la peur que la rumeur se répande parce qu'il pourrait y avoir, on parle parfois dans certaines régions d'armées qui se rendent dans les villages et pourraient les piller ou les détruire sous couvert d'actes. Oui. Il prétextait que le fantôme... Donc, vous aimeriez éviter que cette réputation ne commence à se propager. En tout cas, c'est ton cas, toi et le frère Basile. Ensuite, pour ce qui est de Paladin et de Gunter, eux, tu sais qu'ils sont là surtout, en effet, pour en apprendre plus. Mais toi, en soi, par rapport à tes motivations personnelles, ça t'aide aussi, parce que tu sais que à partir du moment où des gens de confiance peuvent en apprendre plus, bah forcément, comprendre ce qui... toi, tes frais, bah, ça te... Oui, ça m'aide. Tu dis au moins peut-être qu'ils seront plus aptes à se défendre si jamais un jour il venait à se passer quelque chose d'autre. En tout cas, moi je dirige mon regard vers le frère Gunther. Moi j'aimerais... Vas-y. Non, vas-y toi. J'aimerais bien parler très rapidement, entre quatre yeux, au frère Gunther. Très bien. Bon bah monsieur le fantôme, si vous voulez bien rester là 2 minutes... pas de soucis, j'ai une éternité devant moi. Oui, j'ai la meilleure réponse. Bah du coup je m'écarte un peu pour discuter avec... Ouais. Réellement du coup. Je prends du coup à part Gunther, m'éloignant assez suffisamment pour être sûr qu'aucune oreille indiscrète puisse intervenir. Oui, vous vous écartez de quelques mètres. Et du coup, je lui dis à voix basse, hein, pour être bien sûr. On est d'accord que c'est une âme, hein. En soi. Oui, c'est une âme. J'imagine. Et n'est-ce pas ce que nous cherchons en soi vis-à-vis de... Vous savez quoi ? Je ne connais pas tous vos savoirs là-dessus, mais... Est-ce que vous pensez qu'il est envisageable que ce soit une solution ? Outre notre plan initialement prévu avec vous savez qui. Eh bien, pour tout te dire, je retrouve plus du tout le message que m'a envoyé le MJ. Mais de quoi vous parlez ? Il n'y a qu'un souci, je réécris ça dans la Trinité. Pourtant, il n'y a que 3 messages qui ont été envoyés. Peut-être parce que c'est dans la Trinité. Oui. Je pense. Oui, dans la Trinité, il y avait tout qui a été résumé. Là, Gosset doit dire quoi, la Trinité et tout ça. Ça, c'est des trucs que tu dois couper, Gosset. Hein. C'est pas. Ça, c'est bizarre, je parle au Gosset du futur. Ouais, je comble hein, en attendant. Oui, il va s'imaginer des trucs de ouf. La Trinité, est-ce que c'est un culte religieux dont font partie Paladin et Gunther? Ah, si, ça veut la vérité. Non, c'est. Bah, du coup, ouais, voilà, je t'ai envoyé en 3 phrases. C'était vraiment si jamais vous aviez fait un post-it avant de partir pour vous rappeler de. Okay. Mais non, mais en fait, je voulais juste vérifier mes sources et je les trouvais pas. Ah oui et j'ai oublié la dernière, la plus importante. Il ne faut pas que ce soit une âme fantôme. Particulièrement, tu vois, c'était bien. Oui, ça, on est d'accord. C'est pour ça que je l'avais dit, outre le plan initial. Ouais, mais il faut que ce... Du coup. Mais non, on peut retourner au roleplay. D'accord, allez. Mais il me semble que c'est une âme mauvaise. Non, c'est ce qui est indiqué ? Ce serait préférable, au moins. Ok. Bon, bah du coup, autant voir ce qu'on peut faire pour lui. C'était pour savoir si on avait un moyen peut-être plus facile que sacrifier une personne directement, mais... Allons bon. Mais de ton côté, tu les vois discuter ensemble quelques instants. Vous remarquez que ce fantôme est très fantomatique. Il est transparent et parle avec une étrange voix sortie tout droit du tréfonds des enfers, des âmes éternelles, ou du pouvoir, ou d'autres... Pendant qu'il a le dos tourné, je jette un caillou pour voir si ça traverse. Il y a un effet que ça traverse. Et d'ailleurs, tu vois qu'il se retourne vers toi et qu'il dit... C'est vrai que c'est très humiliant tout ce que vous êtes en train de me faire là. Difficile à vivre cette condition. Écoutez, j'ai pas trop eu. J'avais vraiment eu l'occasion de croiser un fantôme comme vous. Eh bien, je vous avais que si jamais vous croisez d'autres fantômes, vous pourrez leur demander si eux ont trouvé un moyen de se vêtir dans ces conditions là. Parce que relativement gênant, voyez-vous, de. Enfin, vous comprenez. Parce qu'en effet, il est complètement nu. Son âme est revenue, mais pas ses vêtements de l'époque. Au moins, vous avez pas froid ? Non, je ne ressens ni froid, ni chaleur, ni faim, ni soif, ni sommeil. Rien. À vrai dire, c'était à peu près la même chose au paradis. Ça veut dire que... L'épreuve. Excusez-moi, je ne vous entends pas. Excusez-moi, ça veut dire que vous pourriez survivre à Lord Ali ? Lord Ali. Eh bien, jugement de Dieu. Ah ! L'épreuve du feu. Eh bien, je vois que je ne sais pas, puisque j'ai passé les 20 dernières années à attendre assis sur un nuage. En fait, après ma mort... Vous avez dit que la chaleur ne faisait rien. Oui, mais après ma mort, j'ai senti... Vous pourriez survivre au feu. Eh bien, je ne sais pas. Écoutez, en fait, les informations ne circulent pas beaucoup là-haut. Je m'attendais à ce que mon âme se jugeait, mais je me suis contenté de me retrouver devant une énorme porte géante, accompagnée de dizaines et de dizaines d'autres âmes. Dieu sait tout, Dieu voit tout, alors pourquoi n'informerait-il pas ses bonnes ouailles Vous n'avez pas été demandé, jugé. Nous avons essayé de toquer, mais personne ne nous a jamais ouvert. Oui, mais vous inquiétez Attendez, pas. Attendez, vous êtes en train de nier l'existence de Dieu? Ah non, le paradis existe, ça je peux vous le dire, mais c'est compliqué de franchir les portes. Je propose qu'on nous le ramenions au village et que nous... Ça me semble pas une bonne idée. Ah bah, allez-y, prenez-le, amenez-le. Au village ? Oh non, non, non, j'ai horreur de la foule. Jeanne, voyons. Oui, mais pourtant, le parapluie doit bien être débordé aussi. De toutes les bonnes actions. Excusez-moi, mais vous n'avez pas été jugé, c'est ça ? Ou avec plein d'autres personnes ? Oui, c'est à peu près ça. On se retrouvait devant cette espèce de porte gigantesque et... Eh bien, rien, pas d'ange, pas rien. Tout ce qui était visitable était une espèce d'énorme escalier qui semblait conduire tout droit vers un genre de sous-sol infini. Mais tous ceux qui l'empruntaient ne revenaient jamais, donc... Disons que l'hypothèse que ces derniers puissent mener aux enfers était peu réjouissante. Quoique l'enfer est peut-être, en tout cas je l'espère, plus amusant que le paradis, parce que pour l'instant... Mais c'est... Je ne pense pas que vous ayez, sous tout mon respect, mais accéder au paradis sans être passé par le purgatoire. Ça semblerait logique. Écoutez, combien de fois êtes-vous mort préalablement ? Parce que je pense pas que vous en sachiez plus que moi. En effet, on peut pas dire que j'en sache plus que vous. Le purgatoire, j'en sais rien. Le paradis, j'en sais rien. Tout ce qu'il faudrait, c'est que, je sais pas, moi, ils auraient dû embaucher un ange créateur public qui vienne nous expliquer ce qui se passait. Alors peut-être que, je sais pas, il y a plusieurs types d'endroits où on peut atterrir lorsque l'on meurt. Peut-être que ma mort grandiose n'aura pas sustenté les différents juges et qui ont décidé de me mettre de côté en attendant de trouver de la place. Je me tourne de plus en plus vers le frère Gunther. Ouais. Pardon ? Ouais, d'accord. Bon, vous êtes prêts à disparaître ? Vous voulez... C'est pas ça, mais nous, on doit rentrer avant la nuit, quand même. Vous voulez dire que vous voulez me laisser là ? Non. Le problème, c'est que votre présence pose problème. Ah oui, je comprends bien. Moi-même, j'avoue que si je pouvais retrouver ma femme, ce serait... Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous vous mettiez à genoux. Mm-hmm. Et je vais faire ce que je peux pour vous. Eh bien, je vous remercie bien. Et tu le vois sur ces belles paroles très polies qui s'agenouillent juste devant toi. Moi, je tourne le dos à cette scène et je m'écarte un peu. Moi, je regarde. De loin, mais je regarde. Et je pense que je vais essayer de réciter une prière, en quelque sorte, avec mes mains, entre guillemets, sur sa tête, parce que je veux pas la toucher. Mais... Okay. faire ça à la force de la foi. En effet, tu vois, tu commences à t'approcher de lui et tu essaies de réciter l'un des nombreux passages que tu as pu apprendre, en tout cas, durant ces quelques années, bien que, bon... Enfin, tout le monde... Enfin, pas tout le monde, du coup, mais... Tu sais ce qu'était ta précédente carrière d'exorciste et que, bon... la grande majorité du temps... Bon, voilà, quoi. On se rappelle du bébé... possédé, qui avait juste avalé de travers et qui a été sauvé à l'eau de Vénus. Malgré tout, alors que tu t'approches tes mains de lui, et en récitant certains de ses passages, tu sembles le voir réagir. Au bout d'un moment, tu sens presque même une espèce de flux. T'arrives pas vraiment à savoir si c'est toi qui t'imagines ça, est-ce que c'est le vent qui passe, mais tu sens une sensation étrange au niveau de tes mains. Et tu le vois petit à petit devenir de moins en moins visible, de plus en plus transparent, jusqu'à ce que, tout d'un coup, il disparaisse. Eh bien, on s'en est plutôt bien sorti. Tu peux répéter ? Eh bien, visiblement, en récitant certains passages très précis de la Bible, en tout cas, des passages qui vous sont... relativement méconnus, à vrai dire, mais qui font vraiment sens. En tout cas, c'est du latin. Vous voyez le prêtre ici présent réussir à chasser cette âme impure et la renvoyer de là où elle venait. D'accord. Moi, je me rapproche de frère Gunther et je le félicite. En effet, ça va faire des dizaines et des dizaines d'années que tous les moines et les prêtres vous répètent que seule la puissance de Dieu et la foi permet de chasser les êtres impurs et... démoniaques, voire surnaturels, qui ont pu... Enfin, le malin, quoi. Non, mais je suis d'accord, je tiens la croix et j'embrasse. T'es. Donc la quête de frère Basile est remplie. Oui, en effet. Bah donnez-moi ma relique. Non, toi ton objectif c'est de les aider eux. Ah oui, c'est fait. Non, eux leur objectif continuera en effet, vous n'êtes pas forcément formé sur tout ce dont ils ont besoin. Mais tu sais que tu devras encore entendre un petit peu. Ah mais moi j'ai pas été mis au courant. Moi je demande des dédommagements, écoutez, moi j'ai participé. Vous autres, vous moi, donnez du coup les réclamations de la criminelle, enfin la vagabonde. Même si pour vous l'arrangement avait été conclu avec Basile, c'est en tout cas frère Basile bien avant, que l'enquête durerait sûrement plusieurs jours, voire peut-être même plusieurs semaines, et que même si Basile y avait un intérêt personnel, donc qui était... Enfin, un intérêt personnel, non, plutôt communautaire, en tout cas pour la communauté. Vous pouvez donc soupçonner là un acte de marchandage. Du coup, au contraire de Jeanne, moi justement, je suis honoré de vous connaître et je serais ravi de vous aider en quoi que ce soit pour la suite. Sachez que vous aurez toute mon aide. Et j'attends rien en retour de vous. Si vous pouvez nous aider à retourner à la civilisation. Oui, bien évidemment, en retournant. Pour que notre ami aussi ici pas... présente puisse être dédommagé par Basile. Oui, il n'y a pas de souci, on peut y retourner. Et puis du coup, je fais demi-tour. Et... Je te demande pas le jet pour le retour, tu avais quand même plutôt bien réussi l'aller. Il y a eu un petit échec, mais par la suite, tu t'étais rattrapé. Tu suis tes marques, tandis que Jeanne peut, elle, éventuellement continuer de favoriser, en tout cas, de geindre. Et vous allez, en effet, à peu près comme prévu, finalement, à la tombée de la nuit, vous retrouver de nouveau à Acton. Le retour se fait sans encombre. En effet, vous n'êtes pas attaqué ni par des loups, ni par d'autres pestiférés. Et vous rejoignez la route du bois. Que vous descendez au sud-ouest pour de nouveau traverser le quartier des pêcheurs d'Acton. Cette fois-ci, la ville est beaucoup plus paisible et calme, déjà qu'elle n'est pas bien habitée ni fréquentée de deux jours, puisqu'elle est quand même relativement peu peuplée, 200 personnes, c'est pas énormément non plus, c'est pas énorme. Sachant qu'il y en a beaucoup qui sont des bûcherons ou autres qui ne sont pas forcément permanents en ville. Vous apercevez quand même quelques lueurs, il semble en effet que la plupart des villageois... utilise quelques bougies ou alors quelques feux de cheminée pour s'éclairer la nuit et tenter de se rassembler pour créer de la chaleur humaine et tenter de tenir les nuits qui deviennent de plus en plus froides. Vous traversez la place et apercevez quelques gardes en ronde de nuit qui vous regardent d'un air méfiant, tandis que vous retournez à l'auberge. Là-bas, vous y retrouvez frère Basile qui, comme convenu, vous y avait donné rendez-vous. Assez rapidement, j'imagine que vous lui faites le compte-rendu de ce qui s'était passé. Et vous le voyez assez satisfait. Eh bien, messieurs, merci. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à ce que vous réussissiez à m'aider aussi rapidement. Alors, je suis apte à vous fournir moi-même quelques informations supplémentaires. Voyez-vous, même si la sorcière, en tout cas Sylvia Delafort... Dès l'enfort a été brûlé il y a cela quelques semaines, après avoir été capturé par plusieurs hommes du village, il se trouve, et à ce moment-là, vous le voyez qu'il baisse un petit peu le ton, qu'il y a quelque chose que la plupart d'entre eux ne savent pas. En effet, cette dernière possédait une sœur. Et cette dernière réside actuellement en ville, sous un autre nom. Et à ce moment-là, vous le voyez qu'il vous tend un petit bout de papier. Qu'a sans doute à toi, Gunther, par exemple. Là-dessus, je suis ravi de vous avoir aidé. Je vous ai chacun négocié, en tout cas pour ceux qui en ont besoin, une petite chambre ici même, où vous pourrez passer la nuit. Je vous remercie encore, et là-dessus, vous le voyez qui se lève et s'en va. Vous avez effectué la première étape de votre petite enquête à Acton, qui était relativement aisé, même si vous avez eu quelques contraintes et quelques difficultés, avec notamment un groupe de malades qui se sont pris à vous à l'intérieur du bois. Vous savez donc que la sorcière qui a été brûlée possédait une sœur en ville. Ça fait une piste intéressante sur laquelle enquêter. Et de votre côté, Paladin et Gunter, vous allez pouvoir loger à l'auberge gratuitement pour cette nuit. De ton côté, Jeanne, tu vas pouvoir, toi, retourner à ta maison dans les vieux quartiers. Tu habites l'une des petites bicoques. D'ailleurs, si jamais tu veux, sur la carte, tu pourras en choisir une. N'importe laquelle, tu me diras. Tandis que toi, Edouard, ouais, je t'avais assigné la cabane que tu peux voir au sud de la carte. Elle se trouve au-delà des fermes. C'est simplement une petite cabane de chasseurs un petit peu plus éloignée. Ce qui te permet assez rapidement d'accéder au bois aux ours, par exemple, le matin, lorsque tu veux partir chasser. Mmh. D'accord. Donc voilà, j'imagine que vous êtes donné rendez-vous le lendemain à l'auberge, et j'aurais juste une dernière chose avant de vous poser éventuellement si vous avez quelques questions, à demander cette fois-ci à Paladin, puisque de ton côté, comme je te l'ai dit, tu possèdes donc deux reliques, et j'imagine que tu n'avais pas l'intention de les garder avec toi en permanence, ou en tout cas de les laisser à l'auberge, ce serait surtout trop dangereux. Tu sais qu'il y a des vieux... Les donner, ouais. Ce que je voulais moi, je les garderai... Oui. Sinon, ce que je voulais te proposer, c'est de m'envoyer un message privé un peu plus tard un plan de la carte avec éventuellement une à deux croix qui pourraient être des endroits où cette nuit, vers 4 ou 5 heures du matin, tu serais allé enterrer les fameuses reliques. L'intérêt serait que simplement elles seraient ainsi parfaitement protégées et que tu aurais juste à prévenir Jeanne de leur position une fois sa mission accomplie. Tu peux enterrer les deux au même endroit, tu peux décider de les garder avec toi, ou alors tu peux les envoyer dans des endroits différents.